Chapitre 2. Madame d'Ambreuil, dans son boudoir, entre sa nièce et Midjohn, écoutait parler M. Rock, contant ses fatigues militaires. Elle se mordait les lèvres, semblait souffrir. « Oh, ce n'est rien, ça se passera. » Et d'un air gracieux, « Nous aurons à dîner une de vos connaissances, M. Moreau. » Louise tressaillit. Puis seulement quelques intimes, Alfred Sisi, entre autres. Elle vanta ses manières, sa figure, et principalement ses mœurs. Madame d'Ambreuil mentait moins qu'elle ne croyait. Le vicomte rêvait le mariage. Il l'avait dit à Martinon, ajoutant qu'il était sûr de plaire à Mademoiselle Cécile et que ses parents l'accepteraient. Pour risquer une telle confidence, il devait avoir sur la dot des renseignements avantageux. Or, Martinon soupçonnait Cécile d'être la fille naturelle de M. d'Ambreuil, et il eût été probablement très fort de demander sa main à tout hasard. Cette audace offrait des dangers. Aussi, Martinon, jusqu'à présent, s'était conduit de manière à ne pas se compromettre. D'ailleurs, il ne savait comment se débarrasser de la tante. Le mot de Sisi le détermina. Il avait fait sa requête au banquier, lequel, n'y voyant pas d'obstacle, venait d'en prévenir Madame d'Ambreuil. Sisi parut. Elle se leva, dit « Vous nous oubliez !»« Cécile, shake hands !» Au même moment, Frédéric entrait. « Ah, enfin, on vous retrouve !» s'écria le père Rock. « J'ai été 3 fois chez vous, avec Louise, cette semaine !» Frédéric les avait soigneusement évités. Il allégua qu'il passait tous les jours près d'un camarade blessé. Depuis longtemps, du reste, un tas de choses l'avaient pris. Il cherchait des histoires. Heureusement, les convives arrivèrent. D'abord, M. Paul de Grémonville, le diplomate entrevu au bal, puis fut Michon, cet industriel dont le dévouement conservateur l'avait un soir scandalisé. La vieille duchesse de Montreuil-Nantua les suivait. Mais deux voix s'élevèrent dans l'antichambre. « J'en suis certaine, » disait l'autre. « Chère belle dame, répondait l'autre. « De grâce, calmez-vous. »